Mort héroïque de Jean de Luxembourg à Crécy. Le vaillant et noble roi de Bohême, qui s'appelait Messire Jean de Luxembourg, car il était fils de l'empereur Henri de Luxembourg, apprit par ses gens que la bataille était engagée, car, quoiqu'il fût là, en armes et en grand appareil guerrier, il n'y voyait goutte et était aveugle. Son entourage l'informe que la première phase de la bataille est désastreuse pour les Français. Alors, le vaillant roi adressa à ses gens des paroles très valeureuses. « Seigneur, vous êtes mes hommes, mes amis et mes compagnons. En cette présente journée, je vous prie et vous requiert très expressément que vous me meniez assez avant pour que je puisse donner un coup d'épée. » Et ceux qui étaient auprès de lui, songeant à son honneur et à leur avancement, lui obéirent. Il y avait là, tenant son cheval par le frein, le moine de Bazel, qui jamais ne l'eût abandonné de son plein gré. Et il en était de même de plusieurs bons chevaliers du comté de Luxembourg, tous présents à ses côtés. Si bien que pour s'acquitter de leur mission et ne pas le perdre dans la presse, ils se lièrent tous ensemble par les freins de leurs chevaux. Ils placèrent le roi leur seigneur tout en avant pour mieux satisfaire à son désir. Et ils marchèrent ainsi à l'ennemi.